Alors, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL au 89.1 et vous écoutez Futur Simple. Restons dans le domaine de la santé en parlant un peu des médicaments antidouleurs en cette période de grippe et de rhume. Alors, il y aurait un risque d'avaler une surdose d'acétaminophène. Alors, c'est le sujet de Philippe Rioux. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Oui, en fait, je fais suite à des recommandations, en fait, un petit article que la FDA a publié cette semaine qui rappelait l'importance de ne pas exagérer avec la prise d'acétaminophène, plus connu ici sous le nom commercial de Tylenol. Et en fait, la FDA porte notre intervention spécifiquement sur l'accumulation non volontaire des médicaments qui pourraient contenir de l'acétaminophène. Mais comment exactement un malade peut-il, par inadvertance, augmenter sa dose d'acétaminophène? Ça arrive surtout lorsqu'une personne est affectée par le rhume et prend, en plus d'un mélange pour le rhume vendu commercialement, des comprimés d'acétaminophène. Je sais pas exactement, par exemple, des trucs comme du Vic ou du d'autres mix de genre-là contre la toux. Un des ingrédients... Des trucs majorité... contre les sinus, souvent. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme des cocktails de médicaments qui traitent plein de symptômes à la fois. Et la majorité de ces mélanges-là, pour le rhume, contiennent déjà des généreuses doses là, d'acétaminophène, là, presque la majorité, en fait, qui sert d'analgésique et qui aide à diminuer la fièvre. Puis c'est dans ces cas-là où une surdose est possible sans en être vraiment conscient. Oui, parce que là, on fait pas le calcul, on l'inclut pas dans le calcul de ce qu'on... Exact, on n'y pense pas, en fait. On n'y pense pas, c'est ça. Et quels sont les effets d'une surdose d'acétaminophène? C'est vraiment pas drôle, une surdose d'acétaminophène. Et c'est pour ça que la FDA a publié cet avertissement, c'est que la principale conséquence, c'est de graves dommages au foie. Pour entrer un petit peu dans les détails au niveau de la mécanique, c'est que l'acétaminophène, c'est pas toxique en tant que tel. Lorsqu'on prend le médicament, il est transformé par le foie en une bonne quantité de produits, eux aussi inoffensifs, mais il y a une chaîne enzymatique qui est minoritaire, qui va produire une molécule qu'on abrévie, qui s'appelle NAPQI. Et encore c'est un sous-produit, là, c'est un sous-produit, métabolite finalement. Exact, un métabolite minoritaire de l'acétaminophène. Encore là, c'est pas super grave parce que le NAPQI est conjugué à du glutathion qui est présent dans le foie. Le problème, c'est que lorsque la dose prise d'acétaminophène est tellement forte que le foie se vide de ses réserves de glutathion, là, ce qui arrive, c'est que le NAPQI commence à s'accumuler et là, il va faire beaucoup de dommages au niveau du foie parce que c'est une molécule très réactive qui peut attaquer l'ADN, entre autres, et les membranes cellulaires. Donc, soudainement, votre journée est vraiment moins plaisante tout d'un coup. Là. Mm-hmm. Donc, on s'entend qu'il y a finalement du glutathion, c'est correct, mais après ça, ça fonctionne plus. Est-ce que ça arrive souvent, des dommages au foie causés par l'acétaminophène? Est-ce qu'il y a des cas qui sont répertoriés? Malheureusement, oui, en fait, parce que, en fait, la surdose d'acétaminophène, c'est la première cause d'insuffisance aiguë du foie. Ah bon? Donc, si quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'on détecte qu'il y a une insuffisance du foie ou on suspecte qu'il y a une insuffisance du foie grave ou aiguë, la majorité du temps, c'est une surdose d'acétaminophène. Donc, ça arrive assez souvent. Et, des dommages au foie, ça peut avoir des conséquences vraiment à long terme. Un triste exemple de ce qui arrive quand même assez souvent, malheureusement, ça rapporte aux tentatives de suicide. Plusieurs personnes, des femmes en majorité, parce qu'on sait que les femmes tentent de mettre fin à leur jour. En fait, ils tentent plus souvent sans réellement le faire, et lorsqu'ils le tentent, ils le font à l'aide des médicaments. Et ils vont parfois prendre des doses importantes d'acétaminophène, ne sachant pas trop réellement quoi prendre. Ils vont chercher la bouteille de Tylenol et prennent une surdose d'acétaminophène pour mettre fin à leur jour. C'est vraiment une très mauvaise idée pour plusieurs raisons. Très souvent, cela va pas vraiment mener à la mort, mais à de graves dommages hépatiques et qui sont parfois permanents. Et même si cette surdose-là vous tue, elle va le faire après de très longues heures d'agonie dans d'atroces souffrances. Donc vraiment pas une molécule idéale, non seulement pour les tentatives de suicide, mais juste pour la majorité de la population, parce que cette surdose d'acétaminophène-là est quand même assez fréquente. Mm-hmm. Mais c'est quand même un médicament qui est vendu en vente libre, ça. C'est un peu surprenant quand même. Ouais, en effet, faut quand même rappeler que c'est pas parce qu'un médicament est en vente libre qu'il faut y aller bar open, comme qu'on dit. L'acétaminophène a des caractéristiques particulières qui émergent de son mécanisme par lequel il est éliminé, comme j'ai expliqué plus tôt. Mais il y a aussi ce qui cause, en fait, il y a aussi ce qu'on appelle un faible index thérapeutique. Un index thérapeutique, c'est le ratio entre la dose efficace et la dose toxique. Okay. Okay. Donc, plus, par exemple, si... Si l'index est faible, ça veut dire qu'il y a une grande distance entre la dose efficace et la dose... Non, il y a une petite distance. Ah, OK. Et c'est là le problème, c'est okay. que, mettons, une dose efficace, j'ai pas pris en note exactement le ratio thérapeutique de l'acétaminophen, mais il est particulièrement faible. OK. Donc, par exemple, si 500 mg serait thérapeutique, peut-être que 2000 mg serait toxique, alors il y a okay. vraiment pas une grande différence. Donc, pour un médicament, c'est un indice qu'il faut faire attention. Okay. Il faut vraiment être attentif. Par exemple, l'alcool, je crois, a un ratio de 1-10. Donc, okay. c'est dans le genre de territoire de l'alcool. L'alcool a un ratio thérapeutique relativement faible. Il y a d'autres molécules qui sont extrêmement sécuritaires dans ce domaine-là. On peut parler parfois de ratio de 10 000. Okay. Donc, mais l'acétaminophène, malheureusement, a un ratio thérapeutique très faible. OK. Bon, alors, si je suis grippé avec des courbatures ou d'intenses maux de tête et que j'ai envie de diminuer la douleur, ce qui est normal, oui, est-ce que je fait. Peux prendre autre chose que l'acétaminophène? Bien, la principale alternative au niveau des analgésiques en vente libre, c'est la molécule qu'on appelle l'ibuprofène, plus connue sous le nom d'Advil et de Motrin ici. Mm-hmm. L'ibuprofène a un indice thérapeutique beaucoup plus grand. Il est assez difficile de faire une surdose d'ibuprofène et ses conséquences sont vraiment moins dangereuses. Vous allez avoir des maux de tête et des crampes abdominales. Curieusement, même si c'est supposé les soigner. Ouais. Mais en fait, c'est qu'un des effets secondaires de l'ibuprofène, c'est en soi des crampes abdominales. Okay. Bon, on va y revenir. C'est que l'intérêt, par contre, de l'ibuprofène comparé à l'acétaminophène, c'est qu'il y a une action anti-inflammatoire vraiment, vraiment supérieure. En fait, l'acétaminophène a presque ouais, pas, c'est pas anti-inflammatoire. Non, vraiment très peu, alors que l'ibuprofène a quand même une action anti-inflammatoire assez efficace, ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace pour diminuer les douleurs de source inflammatoire, parce que seulement vous arrêtez le signal de la douleur, mais vous allez diminuer la source de la douleur. C'est ça. Le problème avec l'ibuprofène, c'est que pour plusieurs personnes, c'est assez rude sur leur système digestif. Ça va causer des douleurs digestives variées, parfois des diarrhées, parfois des vomissements. Il y a des gens qui tolèrent un peu moins bien. D'ailleurs, c'est une molécule qui est plus difficile des fois à endurer lorsqu'on en a besoin à tous les jours. Les gens qui ont besoin d'antidouleurs à tous les jours vont rarement être prescrits avec des anti-inflammatoires de ce genre-là parce qu'il y a des effets aussi à long terme. Sauf que pour des événements sporadiques, l'ibuprofène peut souvent faire très bien le travail. Dans la même famille de molécules, on peut maintenant acheter du naproxène qui se retrouve au comptoir du pharmacien. Il faut le demander parce que sa vente est pas, et ce n'est pas un médicament en vente libre, mais vous n'avez pas besoin d'une prescription. Okay, ça veut dire qu'il n'est pas sur les tablettes, quoi? Il est sur une tablette en arrière du comptoir du pharmacien. Okay. Donc, il faut, à moins que vous ayez un bras d'inspecteur gadget, vous devez demander à un pharmacien pour en obtenir. Si vous n'avez pas de dossier à la pharmacie en tant que telle, ils vont vous ouvrir un dossier et l'inscrire à votre dossier. Si vous avez un dossier, ils vont l'inscrire à votre dossier pour faire un petit suivi. Mais la naproxène est en vente libre aux États-Unis depuis des années et est en vente libre, totalement libre, dans plusieurs provinces canadiennes. Donc, c'est une particularité, disons, par rapport au Québec. La naproxène est plus puissant. Un petit peu plus difficile sur l'estomac, mais son grand avantage, c'est qu'il a une longue durée d'action de 12 heures comparé à 4 à 6 heures. En fait, 6 heures, c'est assez généreux pour l'Advil, ça dure plus, disons, 4 heures. Mais le naproxène a vraiment une longue durée d'action. Donc, si vous êtes dans une douleur X et vous en avez besoin, vous pouvez en prendre une au début de la journée. Vous pouvez faire votre journée au travail complètement sans avoir besoin d'en reprendre. Et c'est assez pratique aussi lorsque vous avez des douleurs nocturnes, puisque vous n'avez qu'à vous n'avez pas besoin de vous lever pour en prendre d'autres. Fait que c'est un avantage en soi, ça. Là. Exact. Évidemment, tous ces médicaments-là ont des contre-indications. Donc, il est toujours bon de demander l'opinion d'un pharmacien ou d'un médecin, surtout si vous souffrez de maladie chronique. Parce que dépendamment du genre de maladie chronique, une des trois molécules dont je vous ai parlé pourrait être préférable. Ou contre-indiquée aussi, ou si il y a d'autres médicaments qui sont pris. Là. Exact. Mais à cause des surdoses possibles, la position de l'acétaminophène comme médicament en vente libre, est-ce que c'est menacé? Non, je dirais que non, mais il y a une notion un peu culturelle, parce que considérant, si on regarde un peu froidement les conséquences d'une surdose d'acétaminophène et leur fréquence, leur facilité d'obtenir ça, c'est, disons que dans les catégories de médicaments en vente libre, l'acétaminophène est probablement dans une zone quand même dangereuse, là, considérant tous ces effets-là. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a personne qui parle de le sortir de... Mm-hmm. de la vente libre. Mais les organismes réglementaires veulent vraiment éveiller les consciences là, par rapport aux risques reliés à l'acétaminophène et ses abus. Là. Dans des études assez récentes, ils mettaient d'ailleurs en doute son inoffensivité chez les femmes enceintes et leurs enfants. Mais là, disons que c'était pas des résultats extrêmement clairs, mais il y a de plus en plus d'études qui s'interrogent sur les effets sur les enfants à naître d'une prise assez forte d'acétaminophène. Mais non, il faut dire qu'il n'existe aucune molécule totalement sécuritaire. Donc, effectivement, il faut faire des choix, il faut faire des sacrifices et on prend de toute façon des risques à prendre n'importe quoi. Vous pourriez vous avoir une arachide des toxique pour certaines personnes, donc on sait jamais. Mais comme pour l'alcool et toute autre bonne chose, là, la modération a bien meilleur goût, puis ça va être pas mal mieux pour votre foie et les autres organes. Donc, suivre les indications sur le contenant. Eh bien, merci Philippe pour cette mise en garde sur l'acétaminophène. On va passer en pause publicité sur CKRL au 89.1. Et restez avec nous. Au retour, Moustapha Lahr nous parle de la vie après la mort, mais il n'y a rien de mystique là-dedans. Alors, on se voit dans quelques instants.